Et pour terminer cet aperçu du poète Paul Verlaine, voici les 13 derniers poèmes que j'ai choisis pour vous dans le recueil intitulé « Parallèlement », publié en 1889. Dans ce recueil, Paul Verlaine a réparti ses poèmes en 5 ensembles. Les 4 premiers poèmes choisis sont extraits du premier ensemble, sous-titré « Les amis » au féminin.